Il était 5 heures. Eugène avait faim. Il craignit de ne pas arriver à temps pour l'heure du dîner. Cette crainte lui fit sentir le bonheur d'être rapidement emporté dans Paris. Ce plaisir purement machinal le laissa tout entier aux pensées qui l'assaillaient. Lorsqu'un jeune homme de son âge est atteint par le mépris, il s'emporte, il s'enrage, il menace du poing la société entière, il veut se venger et doute aussi de lui-même. Rastignac était en ce moment accablé par ces mots. « Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse. »« J'irai, » se dit-il. « Et si Madame de Beauséant a raison, si je suis consigné, je... »« Madame de Restaud me trouvera dans tous les salons où elle va. »« J'apprendrai à faire des armes, à tirer le pistolet. »« Je lui tuerai son Maxime. » »« Et de l'argent, » lui criait sa conscience. « Où donc en prendras-tu ?» Tout à coup, la richesse étalée chez la comtesse de Restaud brilla devant ses yeux. Il avait vu là le luxe dont une demoiselle Goriot devait être amoureuse. Des dorures, des objets de prix en évidence, le luxe inintelligent du parvenu, le gaspillage de la femme entretenue. Cette fascinante image fut soudainement écrasée par le grandiose hôtel de Beauséant. Son imagination, transportée dans les hautes régions de la société parisienne, lui inspira 1000 pensées mauvaises au cœur, en lui élargissant la tête et la conscience. Il vit le monde comme il est, les lois et la morale impuissantes chez les riches, et vit dans la fortune l'ultima ratio mundi, le dernier argument du monde. « Vautrin a raison, la fortune est la vertu, » se dit-il.